ça, t'es juste un signe de ta part. J'avance, c'est plus, j'passais plus les rapports. À force, j'ai vu, j'voyais plus les radars. Pas facile de savoir, j'suis le pire des bâtards. J'attends, t'es juste un signe de ta part. J'avance, c'est plus, j'passais plus les rapports. À force, j'ai vu, j'voyais plus les radars. Pas facile de savoir. Je veux pas passer ma vie dans la pénombre, à compter toutes les meufs que je déglingue. Combien de fois je l'ai trompé, j'ai pas le vrai nombre. L'ange à ma droite me disait tu fais nimp. Tous les jours je me disais je me dénonce. Quand on s'embrassait j'étais pas très humble. Je passe la nuit avec une meuf qui se défonce. Je me comportais vraiment comme un vrai inche. Elle voulait la rose mais elle a eu les ronces. Quand un homme n'est pas clair faut lui ôter le masque. Elle voulait du concret, voulait une réponse. J'étais pas prêt à lui donner le max. J'ai beau être rempli de bonne volonté, j'ai toujours besoin d'une gadget qui me vide. Je résiste pas longtemps, les minutes sont comptées. Et c'est le chant des sirènes qui me guide. Hey, hey. J'attends, t'es juste un signe de ta part. J'avance, c'est plus, j'passais plus les rapports. À force, j'ai vu, j'voyais plus les radars. Pas facile de savoir, j'suis le pire des bâtards. J'attends, t'es juste un signe de ta part. J'avance, c'est plus, j'passais plus les rapports. À force, j'ai vu, j'voyais plus les radars. Pas facile de savoir. Ma nouvelle copine est là que pour me rappeler que je pourrais jamais vraiment remplacer l'ancienne. Je lui ai acheté le même parfum et je ferme les yeux juste pour pouvoir l'embrasser sans gêne. Et quand j'ouvre les yeux, tous les nuages formatés, donc je la vois passer dans le ciel. T'es plus dans le même bateau que moi, donc j'ai l'impression d'avoir eu cet accident seul. Je me rends compte que le temps passé s'enchaîne, les conquêtes qui ne servent à rien. Le début c'est cool, mais ça finit toujours dans les mêmes galères. Relation passionnelle, relation toxique, mais la relation n'est que néfaste. Ça n'a ni queue ni tête. Tous les 4 matins j'écris ce message et puis je l'efface. Pour t'oublier j'allume ce joint et puis je l'écrase. Des preuves d'amour aujourd'hui je connais leur prix. Le cœur est meurtri car cette connasse a laissé des traces. Ma nouvelle copine prétend ne pas aimer les strass. Mais c'est faux et ça me répugne. J'entends les on dit sur elle un peu partout. Mais pourtant j'essaie d'ignorer sa répute. Hey, hey. J'attends, t'es juste un signe de ta part. J'avance, c'est plus, j'passais plus les rapports. À force, j'ai vu, j'voyais plus les radars. Pas facile de savoir, j'suis le pire des bâtards. J'attends, t'es juste un signe de ta part. J'avance, c'est plus, j'passais plus les rapports. À force, j'ai vu, j'voyais plus les radars. Pas facile de savoir. J'attends, t'es juste un signe de ta part. J'avance, c'est plus, j'passais plus les rapports. À force, j'ai vu, j'voyais.